1 Timothée et on est rendu au chapitre 2. Il y a une différence dans deux sortes de choses qu'il faut faire attention dans les Écritures quand on lit, quand on étudie. Il y a ce qu'on appelle en théologie les absolus et les non-absolus. Et c'est pas facile dans les églises évangéliques toujours de faire la différence entre ce qu'on appelle des absolus ou des non-absolus. Certaines églises ont des absolus que d'autres églises semblent ne pas avoir, et vice-versa. Et souvent, il va y avoir des querelles, il va y avoir des divisions à ces niveaux-là. Certains chrétiens vont dire que si tu ne fais pas telle chose, tu pêches. D'autres chrétiens disent non, ce n'est pas un absolu. Et là, chacun a ses idées différentes par rapport à ça. Et l'apôtre Paul, ici, dans cette lettre-là, à Timothée, tout le restant de l'Épître, maintenant, on commence au chapitre 2, jusqu'au chapitre 6, on va avoir le même titre pour tous les sermons. Ça va être « Règles de conduite dans l'Église ». Il va donner des règles de conduite dans l'Église. Donc, comment faire des choses dans l'Église locale. Et ce qu'il va nous parler, il va nous parler des absolus. Il ne nous parlera pas des non-absolus. Okay? Parce que les non-absolus sont variables, souvent dans différentes églises, différentes cultures, différents temps dans l'histoire. Et on fait plus attention à ça. Moi, dans certaines églises, si l'enseignant, sa femme, ils ont été séparés, il ne pourra pas être pasteur. Puis il y en a d'autres qui disent, non, ça n'a pas de différence. C'est ça. Donc, des fois, ils vont... Ils mettent des absolus. Ouais, c'est ça. Et ce n'est pas toujours facile de savoir, des fois, qui a raison et qui n'a pas raison. Donc, il faut aller aux Écritures. Et quand ce n'est pas assez clair... Ben là, il y a l'absolu de l'acceptation de l'un et l'autre, de l'amour l'un pour l'autre, du respect de l'un et de l'autre. Ça, c'est l'absolu qui devrait être par-dessus tout ça. Et donc, des fois, c'est pas clair comme on voudrait. D'autres fois, c'est plus clair qu'on voudrait. Et donc, c'est juste que prendre ça en considération. N'avez-vous, par exemple, voulez-vous m'en nommer des absolus que vous connaissez, des choses qu'on n'a pas le choix, c'est là. Sauvé par grâce. OK. La théologie du salut par grâce en Jésus-Christ, ça c'est un absolu. On peut pas avoir le choix dans nos églises d'être sauvé par les œuvres, c'est sauvé par grâce uniquement. D'autres absolus? Le baptême est aussi un absolu. C'est pas un choix que nous avons. Différentes méthodes, différentes approches, mais l'absolu, c'est tous les disciples doivent être baptisés, donc c'est ça, c'est un absolu aussi. On pourrait en nommer, en mettre des absolus. L'absolu, c'est la prière. La Bible nous dit de prier. La résurrection des morts. La résurrection des morts, c'est notre absolu. Si tu ne crois pas à la résurrection des morts, l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 15, quoi, vous êtes perdus dans vos péchés. Donc ça, c'est un absolu. Si je ne crois pas à la résurrection des morts, j'ai un problème. Un gros problème. Parce que l'apôtre Paul dit, les morts ne ressuscitent pas. Vous êtes morts dans vos péchés. Parce que Jésus non plus n'est pas ressuscité. Et s'il n'est pas ressuscité, vous n'êtes pas sauvés. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont des absolus. Et ça, c'est des doctrines. La plupart des églises évangéliques ont les mêmes doctrines en général. Les absolus, c'est dans le plus touché que ça. Là. On va aller plus fancy des fois. Là, comme tout à l'heure, tu as parlé, quand on dit que le mari, l'homme, l'ancien ou le pasteur doit avoir le mari d'une seule femme. Il faut que ses enfants soient bien élevés. On va en parler pour connaître vos chapitres 3 tout à l'heure. Ouais. Et qu'est-ce que ça veut dire là? Okay, c'est moins facile à ce moment-là. Donc, on va essayer de regarder ça avec le plus de discernement possible. Mais pour ce soir, on n'y aura pas là. On ne s'en rendra pas au chapitre 3, bien sûr. Mais dans les noms absolus, là, ça va être, mettons, combien de fois on ne parlera pas du Seigneur dans une année? Comment on le fait? On prend-tu du vin? On prend-tu du jus de raisin? On prend-tu du pain? On prend-tu du pain sans levain? Des absolus, des noms absolus. C'est pas tout le monde qui a la même idée par rapport à ça. Donc, il y a des petites choses de même qui reviennent à travers l'histoire de l'Église. Et si vous étudiez l'histoire de l'Église, vous allez voir que l'Église a changé d'opinion à des bouts. Puis, ce que j'ai trouvé drôle quand j'ai fait mes cours, quand j'ai étudié l'histoire de l'Église, c'est qu'il y avait des modes. Il y a des modes dans l'Église. Que, mettons, pendant 50 ans, toutes les églises évangéliques, ou à peu près, même si elles n'ont pas la même dénomination, vont dans la même direction. Tout d'un coup, hop, ça change. Pour un autre 50, 75 ans, ça part dans une autre direction. Il y a des modes. Dépendamment, les gens qui sont haut placés, les gens qui enseignent là, dans les séminaires, les gens qui enseignent en haut, ce qu'ils enseignent va influencer bien du monde en bas. et ça va faire une différence des fois dans ce sens-là. Donc, vous allez voir que des fois, vous allez voir des courants de pensée. Comme le retour du Seigneur, tout ce qu'on appelle de A-mille, pré-mille, post-trip, mid-trip, toutes ces histoires-là. L'histoire, à certains moments donnés, est beaucoup plus pré-mille, pré-trip. Quand le nommé Scofield, la Bible Scofield a sorti, il y a beaucoup de gens qui sont allés dans la direction des pré-mille dispensationalistes pré-trip. C'est devenu une grosse mode à partir des années 1900. Là. Beaucoup de monde aux États-Unis sont devenus comme ça, parce qu'ils ont été influencés par ce genre, cet homme-là. Donc, c'est un courant de pensée. Puis hop, d'un coup, à un moment donné, il est venu un autre courant de pensée, le côté A-mille. Puis là, c'était l'autre bord qui partait, qui devenait plus. Il y avait plus de chrétiens A-mille que de chrétiens pré-mille. Donc, ça, il y avait des c'est modes. C'est quoi la différence entre. Une autre fois. C'est trop long pour la soirée. Une autre fois. Mais c'est des courants. Je vous dis qu'il faut toujours faire attention. Ce que nous, on prend des fois pour un absolu, ne veut pas dire que ça n'est un pour le frère qui est en face de toi ou la soeur qui est en face de toi. Il faut avoir du respect, il faut avoir de la souplesse. Et surtout, de plus en plus dans nos églises, aujourd'hui, au Québec, et je ne pense pas juste au Québec, c'est partout à travers le Canada, et les églises sont mélangées dans ce sens qu'il y a beaucoup de monde dans l'église qui viennent de d'arrière-plan différents. Il faut se respecter pour faire travailler le mieux possible ensemble. Pas qu'on fasse des compromis et qu'on laisse tomber la vérité, non. Mais on peut faire ça avec plus de diplomatie, plus de respect. Nous, dans nos églises, je me souviens, à Vitaville, on a eu des gens qui sont allés étudier à l'extérieur, sont venus à l'église et ils n'ont pas resté dans l'église. Ils sont partis, ils sont partis de l'église parce qu'ils avaient appris d'autres choses dans l'autre école. Ils sont arrivés à l'église, puis ça a été pas mal rough, puis ça a créé des tensions. Puis ça, on n'a pas réussi à travailler ensemble comme tel. Aujourd'hui, dans cette même église-là, il y a les deux côtés de la médaille, puis ils travaillent ensemble pareil. Donc, il faut être capable de, des fois, travailler ensemble et de dire. Faut pas se faire de nous des papistes et dire j'ai raison et tu as tort. Tu sais, c'est pas, faut faire attention dans ce sens-là. De pouvoir parler, discuter. Parce que dans toutes ces différences-là, là, vous allez avoir des grands hommes, des grandes femmes de Dieu qui ont les deux points de vue différents. Que Dieu utilise quand même, on dirait. Hein? Il y a des églises, mettons, en mille, qui beaucoup de gens viennent au Seigneur pareil, puis des églises pré-mille, ils viennent au Seigneur pareil. Puis, on se rend que le Seigneur n'en fait pas des si gros obstacles que celui-là. À travers l'histoire, à travers notre société. Nous autres, en tout cas, j'ai connu un pasteur, puis ben, il n'était pas pasteur, il était évangéliste, puis il voulait prendre une certaine église, être en charge d'une église, puis à cause qu'il avait marié une femme qui était divorcée, puis qui n'était pas chrétien, là, ils sont mariés, ils sont devenus chrétiens, puis ça, ils sont mariés. Parce que quand ils ont vu qu'ils vivaient dans le péché, ils sont mariés après, et puis. Ça a été fait un gros chiard parce que les autres pasteurs, ils ne voulaient pas qu'ils deviennent pasteurs, parce qu'il n'y avait pas d'affaire d'être pasteur, t'es marié une divorcée. Donc, c'est ça que j'ai. J'ai devenu pasteur pareil, d'une autre association. C'est ça. Ça. Son église en marche, puis plein de monde qui s'est converti. L'église a. C'est pas toujours facile dans ces domaines-là. On va aller dans un Corinthien, on va parler de ça un petit peu. Pas dans le Corinthien, mais dans Timothée 3, quand on va parler des critères et des anciens, on va en parler un petit peu de ça, de ces affaires. Ce soir, on va dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 8, on va parler d'un autre domaine, on va parler de la prière ce soir, on va parler de ce que Paul va dire à Timothée par rapport à la prière. Si vous êtes là, vous pouvez garder votre doigt là et tourner dans 3, 1 Timothée 3, versets 14 et 15. Quelqu'un voudrait le lire? 14 et 15? Oui. Je t'écris cette lettre, mais en espérant aller te voir bientôt. Cependant, si je tarde à te rejoindre, cette lettre te permettra de savoir comment il faut se conduire dans la famille de Dieu, c'est-à-dire dans l'Église du Dieu vivant, qui est la colonne et le soutien de l'unité. Donc, Paul, il va donner à Timothée des directives pour savoir comment se conduire dans l'Église de Dieu. Et vous allez voir ce qu'il va dire. C'est écrit dans la Bible et on l'a répandu à travers l'histoire de l'Église, à travers le monde chrétien. Donc, ce qu'il a dit, c'est un absolu, parce que ça s'est parti comme ça. Tout le monde l'a eu dans la Bible. Maintenant, l'application de ça, des fois, ça va jouer un petit peu de comment ça va se faire. Mais il dit bien, afin que tu saches comment te conduire dans l'Église de Dieu. Donc, il va nous donner des instructions, des principes, pour qu'on puisse savoir comment faire les choses dans l'Église. Même là, par exemple, on sait bien que toutes les églises ont la même Bible ou à peu près la même Bible, mais ils n'arrivent pas tous à la même conclusion. Donc, il faut être patient de voir que, comment les gens voient les choses à travers leur vie dans l'Église. Et c'est un des sujets qui est touché, c'est la prière. Dans la prière, même dans les églises, c'est différentes façons de voir, différentes façons de faire, différentes façons de donner. Et c'est pas facile tout le temps. Donc, on va en parler un petit peu, puis on va essayer de tirer, non pas ce qui nous différencie, mais que tous les chrétiens croient à travers l'Église et tout ce que les chrétiens veulent mettre en pratique dans leur vie. Donc, on va lire à partir du chapitre 2, verset 1. Je vais lire pour le bénéfice, parce que j'enregistre, on fait l'enregistrement. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je l'ai dit, je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Donc si Paul, on voit bien qu'il parle de la prière, il veut que l'Église prie, il va donner certains principes, certaines règles pour diriger cela, pour conduire la prière dans l'Église. Et donc, la première chose qu'il va dire, il veut au verset 1 qu'on fasse toutes sortes de prières. Il dit, avant toute chose, faites des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. Donc, il nomme sortes de choses-là. Quelle différence vous faites dans les trois premiers? Prière, supplication, requête. Voyez-vous des différences là-dedans? Bon, non, si c'est pas vraiment toute la même chose, ça veut dire à peu près pareil. Je vois ça que ça, c'est des demandes, tandis que le remerciement, c'est... Non, je ne l'ai pas oublié. Je n'ai pas mentionné celui-là. Non, c'est ça, mais okay, la différence entre celui-là... Prière, ouais, là, c'est des actions de grâce. Ça, on sait que c'est des remerciements qu'on fait. Et l'autre, c'est les prières, les supplications et les requêtes. Je dirais que c'est probablement des synonymes ou des choses qui se ressemblent beaucoup. J'ai fait des recherches dans différentes traductions, dans le grec, ça se ressemble à peu près à tout. Certaines, il y a des sentiments qui s'ajoutent dans le sens de supplier, de demander. Merci. Fait que donc, mais il dit qu'il encourage les chrétiens à faire toutes sortes de prières et de requêtes, de supplications. Et ensuite, il dit, et des actions de grâce pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Donc, il faut se mettre dans le contexte ici d'un Timothée où est-ce qu'il y a des problèmes dans l'Église, on se souvient, des faux docteurs, des gens qui étaient des juifs, qui avaient de la difficulté, qui voulaient ramener certains chrétiens sous la loi. On a vu ça dans le chapitre 1, ils enseignent la loi, mais ils ne savent pas de ce qu'ils prêchent, ils ne savent pas ce qu'ils disent, ils n'en comprennent pas la loi. Et ils se trompent eux-mêmes, puis ils trompent les autres dans ce sens-là. Donc, on va voir que vers la fin de notre texte, il parle de prier pour tout le monde. Les chrétiens, dans un temps de difficulté ou de persécution, parce que dans le temps de l'Église, où ce que Paul priait, l'Église était sous une forte persécution de la part des Romains et de la part de l'Empire romain. Donc, prier... pour tout le monde, c'est pas facile. Avez-vous déjà remarqué que c'est pas facile de prier pour tout le monde? Pour certaines personnes, on semble que c'est plus facile de prier pour ceux-là que de prier pour d'autres personnes. Mais il dit bien qu'on doit faire des requêtes et des actions de grâce pour tous les gens. Tous les gens. Donc, pas juste certaines gens. On ne prie pas juste pour ceux qui nous font du bien. Habituellement, on a tendance à faire ça. Et ceux qui nous font pas du bien, là, on prie, mais on dit « Change-le, Seigneur, ceux-là. » On veut qu'ils changent. On veut qu'ils deviennent comme nous, ou qu'ils fassent les choses comme nous autres. Ils voient les choses comme nous autres. Mais il dit, j'aimerais que vous priez, suppliez que vous fassiez des requêtes et des actions de grâce pour ces gens-là. Donc, c'est quand on est capable de faire une action de grâce pour la personne, c'est assez intéressant. Ça change l'attitude dans la prière qu'on va faire. Et l'apôtre Paul, et encourage qu'à l'intérieur de l'Église, parce que là, il ne parle pas des individus, il parle en tant qu'Église, de faire des prières dans l'Église. Donc, ça nous dit premièrement qu'on est encouragé à prier en Église. Et dans ces temps de prière-là, on peut se prier, et qu'on peut se supplier, qu'on peut se faire des requêtes, et qu'on peut se faire des actions de grâce pour tout le monde qui est autour de nous. Okay? Tout le monde qui est autour de nous. Autant, là, ce qu'il va nous, surtout nous parler ce soir, c'est à l'extérieur de l'Église. Parce qu'il va nous parler des rois tout à l'heure, des choses comme ça. Et là, il ne parle pas de prier pour tous les hommes dans l'Église ou toutes les femmes dans l'Église, mais surtout en dehors de l'Église. En dehors de l'Église. Pour les inconvertis, pour les non-croyants. Et la question qu'on pourrait s'interroger, c'est quel temps est-ce que je passe, moi, individuellement, vous, individuellement, ou en tant qu'Église, quel temps est-ce qu'on dépense ou qu'on utilise pour prier pour les gens de l'extérieur de l'Église? On est un peu fautif dans ce sens-là, en tout cas à Mont-Tremblay, moi je parle pour nous autres. On ne prie pas beaucoup en Église pour les gens à l'extérieur. Et donc, lui, il dit, je veux que vous fassiez des requêtes, je veux que vous fassiez des supplications, je veux que vous fassiez des actions de grâce pour les gens à l'extérieur de l'Église. Il veut certainement qu'on prie pour l'intérieur aussi, là. C'est pas là la question. Mais ici, il va faire ressortir surtout de penser à l'extérieur. C'est ce qu'il va dire du verset 2 jusqu'au verset 7. Il va faire ressortir pour tous les hommes. Et ensuite, il va dire pour les rois et pour les autorités. Donc, il va s'adresser de prier pour les gens qui sont en place. Moi, je dis tous les hommes, c'est plutôt d'une façon très générale, hein, hommes et femmes, d'une façon très générale. Et aussi de façon spécifique pour les rois et les autorités en place. Et on va voir tout à l'heure pourquoi il dit ça. Il y a une raison pourquoi il dit ça. Parce que, et là, on pourrait se poser la question à nous encore ce soir, quel temps est-ce que je passe du temps pour intercéder, pour prier, pour les gens qui nous dirigent, pour les autorités en place. Nous, ce n'est pas des rois, c'est des gouvernements aujourd'hui qu'on a dans notre pays. Ça pourrait être aussi pour être un roi ailleurs, si vous en connaissez, que vous voulez prier pour eux autres, c'est correct. Mais il dit, j'aimerais ça que vous priez pour ces gens-là, et c'est très important que l'Église... Mais quand les autorités en place, ou les rois en place, nous font du mal en tant qu'Église... Ça ne nous aide pas. Hein? On a l'impression que ça nous nuit un petit peu. On n'a pas tendance à vouloir prier pour ces gens-là. Ils nous font du mal. Et des fois, même, ça peut être une agression qu'on ressent, qui n'est même pas spirituelle ou religieuse. Là. Ça pourrait être, on est malmené monétairement, on est malmené physiquement par les autorités. Et là, en tant que chrétien, on est porté à prier quand même pour ces gens-là. Parce qu'il y a des pays où les gens sont très malmenés par leur roi ou les gouvernements, puis ça n'a pas d'affaire, ça n'a pas d'affaire avec la religion, là. Et les plaintes que vous faites, que je fais par rapport à notre gouvernement, souvent, on ne devrait pas en faire, mais on en fait. Ça n'a pas toujours rapport avec la religion, là. N'est-ce pas? Ça n'a pas toujours rapport avec la religion, là. Ça a rapport avec bien d'autres affaires. Des fois, ça a rapport avec un signe de pièce. Souvent, quand ça touche notre portefeuille, on réagit fort. On n'aime pas ça, puis là, on réagit. Puis là, on réagit. Plutôt de s'arrêter de prier, on critique, hein? C'est notre tendance de pécheur qui ressort. Et l'apôtre Paul veut encourager l'Église à prier, parce qu'il sait très bien que dans un temps, comme ils vivent un temps de persécution fort, la tendance humaine va être pareille comme nous autres aujourd'hui. La tendance humaine, quand on est persécuté, qu'on est attaqué, qu'on se fait faire du mal, qu'on se fait tuer notre femme, notre père est en prison à cause de la foi, ça devient de plus en plus difficile de prier pour ces gens-là. Mais Paul veut aller un petit peu de l'avant, puis veut comme... les dites de prier, puis il dit au verset 2c, dans la fin du deuxième, il dit, il donne les raisons. Regardez les raisons qu'il donne. Afin que, deux à la fin, là, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Donc, le but de prier, c'est pas que les choses tournent en notre faveur, dans le sens que les choses viennent comme d'autres, mais le but qu'il donne ici, c'est qu'on puisse mener une vie paisible et tranquille dans la chrétienté ou dans la foi, dans la piété ou dans l'honnêteté. Il dit, priez que Dieu dirige ces gens-là, conduise ces gens-là, afin que nous, chrétiens, on puisse vivre sans être trop persécutés dans ce sens-là. Qu'il nous donne cette liberté-là qu'on veut de vivre notre vie chrétienne comme on l'entend, comme on le voudrait. Donc, c'est très important parce que vous allez voir, ça va influencer un autre domaine de notre vie. Mais il dit, si on, là, il dit au verset 3, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Donc, il dit, si vous, on prie pour ces gens-là, on fait des requêtes, des prières, des supplications, des actions de grâce, afin qu'on ait une vie tranquille, une vie paisible, une vie où on est permis de vivre notre foi, c'est agréable à Dieu de vivre comme ça. Le but, ce n'est pas d'éviter la persécution, où on ne veut pas vivre une vie de sainteté pour être agréable aux hommes, mais premièrement parce que c'est agréable à Dieu. C'est agréable à Dieu de vivre de même. Donc, vous devriez prier pour avoir la possibilité de vivre de même, parce que vivre de même, c'est agréable à Dieu. Et ce n'est pas de vivre de même pour être un bon témoignage aux autres. Ce n'est pas ça le but premier. Je dirais même que ce n'est pas le but du tout. Mais en vivant comme cela, pour nous, pour être agréable à Dieu, automatiquement, notre témoignage va être bon. Hein? Si on vit dans la piété et dans l'honnêteté, et qu'on vit l'Évangile, notre témoignage va être bon, c'est certain. Fait que, mais on ne le fait pas pour que notre témoignage soit bon. Des fois, on va prier, on va dire, « Seigneur, fais que mon témoignage soit bon. » Ça ne devrait pas être ça qui nous préoccupe le plus. Ça devrait être agréable à Dieu qui nous préoccupe le plus. Si c'est agréable à Dieu, c'est correct. Ça peut être bien accepté par les inconvertis ou ça peut être mal accepté par les inconvertis. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va s'arrêter? Ben non. On va continuer quand même parce que c'est agréable à Dieu. Et en le faisant, si c'est par grâce de Dieu, ça devient un impact alentour de nous. Fantastique. Merveilleux. Mais l'apôtre Paul dit, priez pour les autorités, priez pour les rois, priez pour votre gouvernement, priez pour votre ville, priez pour les gens autour de vous, afin qu'elles vous donnent cette liberté-là que vous désirez avoir, afin de vivre votre vie chrétienne pour la gloire de Dieu et pour être agréable à Dieu. Mais si je vis ma vie, si je prie que ça ait un bon témoignage, dans ma tête, à moi, en tout cas, automatiquement, c'est pour être agréable à Dieu. C'est pour que les gens... Moi, en tout cas, pour moi, quand je demande au Seigneur de m'aider à être un bon témoignage, c'est parce que je veux être agréable à Dieu. Je veux que les gens viennent à connaître le Seigneur. Je crois que tu dis vrai dans ce sens. Tu vas juste verrer la phrase l'autre bord. Okay? Donc, mais j'ai remarqué, en tout cas dans ma vie, que quand je le fais pour que ce soit un bon témoignage pour les gens et qu'ils réagissent mal, j'ai une réaction. Mais pas toujours bonne. Pas toujours bonne. Mais si je le fais pour Dieu et que Dieu, je sais que j'ai été agréable à Dieu, même si j'ai une mauvaise réaction, c'est moins dur pour moi de continuer à le faire. J'ai remarqué ça dans ma vie personnelle. C'est moins difficile. Parce que là, je ne le faisais pas. Parce que quand on a une attente de la part des gens, on réagit à cette attente-là qui ne vient pas. On réagit à ça. Puis j'ai vu dans ma vie chrétienne beaucoup de gens qui ont un témoignage dans leur famille et que les familles, des fois, les ont rejetés. Et là, on écoute ces chrétiens-là parler puis ils parlent mal de leur famille après. T'es comme ça, t'es comme ça, puis Hamel vient les savoir, puis ils critiquent les familles. Parce qu'ils sont en réaction à ce qu'on les a rejetés. Et donc, il faut faire attention. Et je crois que le langage ici, et surtout que cela est bon à Dieu. Cela est agréable à Dieu. Donc, il dit, priez cela, parce que ne faut pas qu'il vous empêche de faire les choses qui soient agréables à Dieu. Dans ce sens-là. Donc, je crois que c'est le but que l'apôtre Paul ici a. Et là, il vient avec un deuxième côté, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, si je peux vivre ma vie chrétienne parmi les hommes convertis pour la gloire de Dieu, ça va être ma façon de les approcher pour qu'ils soient sauvés. Parce que si je ne peux pas vivre ma vie chrétienne et qu'on m'empêche de parler de la foi, ben ils ne peuvent pas être sauvés. Parce qu'ils ne peuvent pas être sauvés s'ils n'entendent pas parler de la foi. Ils peuvent bien être persécutés, si on me tue, puis je ne vais pas parler de la foi, personne ne va être sauvé, là. Parce qu'il faut qu'on parle de la foi à quelque part. Il faut qu'ils entendent la foi. Il ne faut pas qu'ils me voient martyr. C'est pas ça qu'ils me voient martyr qui va être sauvé, là. C'est qu'ils entendent l'Évangile, ils vont être sauvés. Mais s'ils vous permettent, puis je crois que si on regarde au Québec, ici, on a eu une liberté très grande de parler d'Évangile depuis 30 ans, 40 ans. Et beaucoup de gens sont venus au Seigneur à travers ça. Et si vous remarquez, des fois, dans des grands temps de persécution, l'Église ne peut même plus parler. Ils se réunissent entre eux autres. Si tu parles de la foi, tu te fais tuer. Ça devient beaucoup plus difficile de parler de la foi quand la persécution est forte. Et je crois que, je ne dis pas qu'il faut arrêter de parler, mais je vous garantis, c'est pas mal plus dur de parler. Si ce soir, on vous dirait, quand vous allez sortir de la maison ici, vous risquez de mourir si vous parlez de Jésus, mais ça nous prendrait peut-être une dose spéciale de grâce de la part de Dieu pour continuer à parler avec sainteté. Des fois, on dit, ouais, je parlerai pareil. C'est toujours facile à dire quand on n'est pas dans le bain, quand on n'est pas là. Quand on n'est pas là. Mais je crois que l'apôtre Paul ici, ce qui encourage, prier, afin qu'on vous donne cette liberté-là de pratiquer l'Évangile, et en même temps, ça va vous donner cette même liberté-là de prêcher l'Évangile. Nous, ça serait intéressant d'avoir des places où les églises sont très persécutées, qui n'ont pas le droit d'exprimer leur foi à haute voix, si je peux la dire comme ça, sans être attaqués. Nous autres, là, l'Évangile est proclamé partout, là, sur la télévision, c'est sur la radio, c'est sur Internet, et personne ne peut nous empêcher. En tout cas, présentement, on ne nous empêche pas de dire ce qu'on voudrait dire en public. Même des fois, on est invité à le faire. Mais dans le temps que Paul parle, c'était beaucoup plus que si tu parles, tu meurs. Si tu proclames l'Évangile, tu meurs. Donc, plus ça devient fort, plus des fois l'Église est empêchée de le faire. Je crois que c'est une grâce de Dieu que si on peut le faire, malgré que des persécutions. Mais ici, c'est le but du passage, c'est Paul dit prier pour ces gens-là, afin que vous ayez la liberté de vivre votre vie chrétienne et la liberté aussi de prêcher la foi pour que des gens puissent être sauvés. Parce qu'il n'y a pas de salut sans prédication de l'Évangile. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les gens ne sont pas sauvés en regardant des martyrs mourir. Parce que je vous garantis qu'il n'y a pas juste des chrétiens qui sont martyrs dans le monde pour leur foi. Il y a toutes sortes de mouvements religieux, puis les gens meurent pour leur foi. Ils ne sont pas sauvés pour ça, les gens. Donc, ce n'est pas le martyr qui fait que les gens sont sauvés. C'est la proclamation de l'Évangile. Donc, oui, peut-être à travers le martyr aussi, dans ce sens-là. Et là, il dit, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on réussisse à vivre librement et qu'on puisse vivre, prêcher l'Évangile. Parce que là, il dit quoi? Il donne la raison au verset 5. Car il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Donc, il dit, il n'y a pas d'autre moyen de salut. Il n'y a pas d'autre. Donc, il dit, si on vous empêche de proclamer l'Évangile, ben, il n'y aura pas de possibilité de sauver parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de salut que Jésus-Christ prêché. Il dit, il n'y en a pas d'autre. Un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné en rançon pour tous. Donc, si vous ne pouvez pas prêcher, vous ne pouvez pas vivre votre vie chrétienne librement, automatiquement, le salut s'arrête dans ce sens-là. Donc, il dit, ailleurs, il va dire, dans d'autres épîtres, si vous êtes persécuté, continuez pareil à parler, là, j'osais pour le Seigneur pareil. Mais ici, si vous ne priez pas pour avoir la paix d'où ce que vous vivez, chialez pas si vous êtes persécuté. Je vous ai déjà dit, si vous ne priez pas pour ceux qui enseignent dans l'Église, vous n'avez pas le droit de chialer après ces gens-là. Mais si vous priez pour ces gens-là, peut-être vous avez le droit d'aller lui parler. Mais c'est pareil comme si on ne prie pas pour nos gouvernements, on ne prie pas pour les autorités en place, on ne prie pas pour que la paix règne dans notre milieu, puis que là, on est persécuté, mais en voulant dire, vous auriez dû prier avant. Vous devriez faire ça. Je crois que c'est intéressant de penser comme cela et de dire, on va prier dans ce moment-là afin que Dieu nous permette de vivre la vie chrétienne à ce moment-là. Ici, faites attention quand vous... je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Là, je fais une petite parenthèse. De ne pas utiliser ce verset-là pour parler qu'on doit prier juste Dieu et qu'on ne doit pas prier les saints. Peut-être que ce texte-là a été souvent employé pour ça. Il n'y a pas d'autre médiateur entre Dieu et les hommes. Là, on ne peut pas prier Marie à cause de ça. On ne peut pas prier les saints à cause de ça. Le texte n'est pas dit pour ça. C'est vrai. Je ne crois pas qu'on doit prier Marie ou les autres. Mais le texte, il ne nous parle pas de la prière. Il nous parle du salut. Il dit... On doit prêcher l'Évangile parce qu'il y a juste un médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Donc, si on ne le prêche pas, ce Jésus-Christ-là, il n'y a plus de médiateur. Donc, il ne parle pas qu'on ne doit pas prier Marie, parce que moi, je l'ai utilisé quand j'étais jeune, parce que j'avais vu les vieux chrétiens l'utiliser. Et je crois que c'est mieux de peut-être aller trouver d'autres versets qui nous disent qu'on doit prier Dieu que ce verset-là. Parce que quelqu'un qui connaîtrait la Bible, un peu, il vous dirait, ça ne parle pas de ça, ce texte-là. Ça parle qu'il y a juste un médiateur entre Dieu et les hommes pour le salut des hommes. Comme rançon, parce que juste après, il dit, il y a juste une rançon. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. Et l'apôtre Paul, ici, le fait ressortir qu'il n'y en a pas d'autre. Autant pour les Juifs que pour les païens. Il dit au verset 7 qu'il était établi prédicateur et apôtre de la vérité. Je ne mens pas, je suis chargé d'instruire les païens dans la foi de la vérité. Donc, quand il dit ça ici, il faut toujours se rappeler qu'au début de l'Église, dans les premiers 30 ans à peu près, il y a eu toute une histoire dans l'Église entre ce qu'on appelait les Juifs et les non-Juifs. Ici, Paul, il va dire que, en même temps qu'il dit qu'il y a juste un médiateur entre Dieu et les hommes, il parle des Juifs et des non-Juifs. Il y a juste un médiateur. Il n'y a pas 25 sortes, là. Il y a juste un médiateur pour tous les hommes de la terre. Donc, il dit, lui, il parle ici, il dit, j'ai été chargé d'instruire les païens. Et pour les Juifs, ça faisait toujours une petite... Ça grichait dans les oreilles. Il n'aimait pas ça entendre ça tellement. Si vous lisez les Actes, vous allez voir, des premiers 30 ans, c'était un débat à plusieurs chapitres des Actes des Apôtres. Les Juifs avaient bien de la misère avec l'entrée des païens dans l'Église. Puis Paul leur dit, il y a juste un médiateur pour les Juifs et pour les païens. Peu importe c'est lesquels, il n'y en a pas d'autre. Il y a juste un païen. Donc, vous devez prier, même si c'est des gens non-juifs, même si c'est des autorités non-juives, même si c'est des Romains, même si c'est des idolâtres, même si c'est des gens très pervers dans leur foi, dans leur pratique peut-être morale, vous devez prier et rendre grâce à Dieu pour cela. Avez-vous des pensées qui viennent à l'esprit dans l'Ancien Testament où est-ce que Dieu a répondu à la prière de certaines personnes dans le peuple de Dieu et que Dieu a fait bouger des inconvertis, des rois, des autorités inconverties pour le bien-être du peuple de Dieu? Avez-vous des histoires qui vous viennent à l'esprit? Celui que, je ne peux pas dire non, mais celui que Dieu avait envoyé pour faire la guerre à... de lui faire la guerre, après ça, il a dit, tu l'as pas fait la bonne raison. Moi, c'était pas une mauvaise chose. Oui, mais ça, c'est... Moi, je me suis devant la tête, je ne me souviens pas de quoi tu parles, mais vous vous souvenez probablement de Daniel, vous vous souvenez probablement de Néhémie, qui a prié, puis quand il était devant le roi, il a prié pour le roi, et le roi lui a donné l'autorité, le privilège de retourner à Jérusalem pour rebâtir les murailles, puis il a même donné de l'argent pour le faire. Vous avez Cyrus, vous avez Nabuchodonosor, c'est tous des hommes qui ont été des autorités en place, des rois païens, qui, pendant un certain temps, dans leur vie, persécutaient, détruisaient le peuple de Dieu. Mais pourtant, suite à la prière de certains hommes, de Daniel, de Samuel, de des gens comme ça, Dieu a pris ces hommes-là, puis a utilisé ces hommes-là, sans qu'ils soient toujours conscients de tout ce qu'ils faisaient, puis ils bénissaient le peuple à travers ça. Donc, c'est ça qu'il est en train de nous dire jusqu'à un certain point. Même si les gens alentour de vous, même si les rois alentour de vous, même si les autorités alentour de vous sont bien croches, vous les voyez qui sont bien amorales ou immorales et qui sont irreligieux ou impies, continuez à prier pour eux autres, continuez à rendre grâce pour eux autres. Et Dieu va intervenir à sa façon, à sa manière. Et c'est en même temps, tant aussi longtemps qu'on va prier, c'est très dur d'aller contre quelqu'un pour qui on prie continuellement. C'est bien plus dur, en tout cas. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est plus dur. Si je prie pour quelqu'un régulièrement, ça va m'aider à avoir une meilleure attitude envers ces personnes-là avec lesquelles qui me font du mal, qui me persécutent ou qui m'attaquent à cause que je suis chrétien. Il faut avoir de la reconnaissance, même s'ils sont impies. Parce qu'ils sont... Comment on peut dire à Dieu merci pour l'impie? Un exemple... après-midi, j'étais avec mon garçon, puis on jasait, puis à un moment donné, il y a eu une discussion, puis là, il dit, mon garçon, il dit, qu'il n'est pas croyant, mon garçon, il dit, « Ah, il dit, on est-tu bien au Québec, au Canada? Nos gouvernements ont chiant, mais ils nous font du bien. Ils nous font du bien. On est bien mieux ici que dans ces pays-là, où ils sont malmenés ou attaqués. » Ça pourrait être ça. On pourrait juste remercier Dieu qu'on a la liberté présentement au Québec de prêcher l'Évangile. On peut remercier Dieu que le gouvernement fait des choses, puis on a les soins médicaux gratis. Là. Il y a peut-être bien d'entre nous qui souffriraient parce qu'on n'a pas les soins médicaux gratis. Il y a toutes sortes de choses que le gouvernement a fait, qui c'est une bénédiction. Nous, on prend ça pour acquis au star. Hein. On voit que le gouvernement, on a plus porté à critiquer parce qu'il prend nos impôts, puis on ne voit pas les services qu'il nous donne souvent avec ça. Mais quand mon garçon est plus sensibilisé depuis quelques temps parce qu'il a été dans d'autres pays, puis qu'il a vu la difficulté que les gens vivent dans ces pays-là, puis il dit, boy, on est bien au Québec. On est bien au Québec. Le gouvernement, même s'il ne fait pas tout correct, on sait qu'il ne fait pas tout correct, ils font des choses. Puis je crois qu'une partie de ces choses-là qu'ils peuvent faire sont sous la direction de Dieu, parce que c'est Dieu qui dirige ces gens-là. Ces autorités-là sont en place parce que Dieu veut qu'ils soient en place. Autant qu'il lui a dit, c'est moi qui ai mis Cyrus en place, c'est moi qui ai mis Nabucodonosor en place, c'est moi qui ai mis ces gens-là en place. C'est tous des impies, ceux-là, non? Pourtant, c'est bien lui qui les avait mis en place. C'est pour ça qu'il faut s'y soumettre et prier pour eux autres. Et prier pour que Dieu les dirige. Moi, j'étais en charge de 6 enfants dans mon foyer avec mon épouse, puis on a fait un paquet de gaffes, là. 30 millions à diriger. 300 millions aux États-Unis. Hein? Si on a de la misère avec nos 3-4, nos 5-6 dans nos maisons, on prend toujours les bonnes décisions. Pensez-vous que vous seriez capable de prendre toujours les bonnes décisions si vous aviez 30 millions à diriger? Pas toujours. Pas toujours, je pense. Je pense qu'on en ferait un paquet d'erreurs aussi. Parce qu'on sait très bien, en tant que chrétien, qu'on est faible, qu'on est pécheur, puis qu'on a toutes sortes de problèmes aussi dans nos vies. Donc, ces gens-là sont aussi des pécheurs. Les autres sont juste pécheurs. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux s'ils ne sont pas chrétiens. Et là, on prie que Dieu les aide à prendre des bons choix, des choix sages, des choix intelligents, qui vont nous permettre de vivre en paix, nous autres, les chrétiens. Et étant en paix, ça va nous faciliter la tâche pour prêcher l'Évangile comme tel. Donc, et ensuite, il va dire au verset 8, le dernier verset, une bonne attitude. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère et mauvaise pensée. Ça se pourrait-tu qu'on... Paul dit ça pour rien, que quand on prie, on n'a jamais de mauvaise pensée? On n'est jamais en colère? Parce qu'il dit, il semble qu'il dit que, il présuppose que ça arrive des fois, en tout cas. Il dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Donc, je crois que des fois, il y a une certaine réticence, une certaine amertume dans nos vies. Surtout quand on est les gens qui nous attaquent, les gens qui nous font du mal, qui nous blesseraient à cause qu'on est croyant. Il faut faire attention d'avoir une bonne attitude et qu'on n'est pas rempli de colère envers ces gens-là qui nous font du mal. Et qu'on ne doit pas prier parce que bon, on est bien obligé, il faut bien prier, là, tu sais, là. Donc, si on prie, qu'on le fasse avec une bonne attitude. Il dit, je veux que en tout lieu, dans toutes les places où ce que l'Évangile, ces hommes-là, ces chrétiens-là vont être, peu importe, que ce soit en Amérique du Sud ou au Québec, les chrétiens doivent prier en élevant des mains pures, sans colère, sans mauvaise pensée. Donc ici, en élevant les mains, il y a des chrétiens qui le font, des chrétiens qui ne le font pas. Je dirais que ce n'est pas un absolu, ça c'est sûr. Okay? Donc l'absolu, c'est de prier pour ces gens-là. C'était, je pense, c'était comme ça. C'était quelque chose de culture dans ce temps-là. On levait les mains, et en général, on levait les mains et la tête, les yeux ouverts. C'est comme ça qu'on priait, en général. Si vous allez voir Jésus dans Jean 17 ou 18, il va dire, Jésus leva les yeux vers le ciel, et puis il a commencé à prier. Quand il fait la prière, c'est ça de terre. Donc, c'était la coutume dans ce temps-là. Les chrétiens dans le temps, ou les gens dans le temps, chez les juifs, ne se faisaient pas comme nous, comme on fait, là. Ils ne faisaient pas ça. Ils levaient les yeux, puis ils regardaient dans la direction du ciel, et souvent, ils avaient les mains levées dans les ciels. Puis, ils ne se mettaient pas à genoux, ils ne priaient pas assis, ils ne priaient pas couchés, ils priaient debout ou prosternés. Et ça n'était pas acceptable pour eux autres de prier assis. Parce que vous savez que dans le temple, il n'y avait aucune place pour s'asseoir. Il n'y avait pas de place pour s'asseoir, il n'y avait pas de banc, il n'y avait pas de chaise, bien, tout le monde était debout. Parce que ce n'était pas digne. C'était pas acceptable d'être dans une autre position devant Dieu. C'est parce que c'était le temple de Dieu. Donc, tu ne peux pas te dire, « Bon, je vais aller me coucher sur le banc un petit peu, là, je suis fatigué. » Oui, va faire ça en dehors du temple. Faisais pas ça dans le temple. Okay? Fais ça en dehors du temple. Si tu avais envie de manger une sandwich, parce que va-t'en en dehors du temple. Okay? C'était le temple, était dans ce moment-là, dans l'histoire du peuple de Dieu, c'était la représentation de la présence de Dieu. On faisait bien attention. Comment, c'est pour ça que vous allez voir dans le temple... Les païens avaient le droit d'aller jusqu'à certaines places. Les juifs, femmes, jusqu'à certaines places. Les juifs, hommes, jusqu'à une autre place. Et les prêtres, jusqu'à une autre place. Puis les souverains supérieurs, jusqu'à une autre place. Donc, le temple était divisé en parties. Et selon ton statut, tu ne pouvais pas aller plus loin. Mais la synagogue, vous avez... Ce n'est pas le temple, ça, la synagogue. Okay. Ça, c'était une autre affaire. Le temple, je parle. Okay. Le temple, c'était juste... C'était vraiment compartimenté. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on veut tuer Paul dans les Actes des Apôtres. Parce qu'ils ont dit qu'il a introduit dans le temple des païens. Donc, il avait amené des gens là qui n'avaient pas dû être là, dans le temple. Donc, il y avait des façons de faire. Et donc, il ne faut pas transmettre la culture. Il faut transmettre l'absolu. L'absolu, c'est la prière. Quelle position je vais prendre dans ma prière, souvent, ça va refléter ma culture, mon état d'âme. Quand les gens se mettaient à genoux, prosternés, ou qui se mettent. Souvent, ça manifestait un état d'âme dans lequel ils se trouvaient à ce moment-là. Mais je n'ai pas à imiter leur façon de faire. Mais je dois prier, ça c'est sûr. Et je dois prier avec des mains sans colère, ou des mains sans mauvaise pensée, ou des prières qui sont avec une bonne raison, une bonne attitude envers ces gens-là. Et donc. Moi, je vous dis, c'est autant pour moi aussi, si j'ai de l'amertume contre les autorités qui m'entourent, ça va être bien dur de prier pour eux autres, avec une bonne attitude. Fait qu'il faut que, souvent, il faut que je règle mon attitude avant de prier pour eux autres. Et là, je vais commencer par prier pour moi, c'est-à-dire règle mon attitude envers ces gens-là, et afin que je puisse les aimer, afin que je puisse leur faire du bien. Comme si on se donnerait à tous les citoyens, chrétiens ou pas chrétiens, mais même juste les chrétiens. Si on se donne à tout comme défi, qu'est-ce que je peux faire pour faciliter le travail de nos dirigeants? Mon ami, c'est la face du globe changerait. Et si on ferait juste se dire ça, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour aider les dirigeants de mon pays? Qu'ils m'aient fait du mal ou pas, ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce que je peux faire pour les aider aujourd'hui? C'est toute une attitude différente. Comment est-ce que je peux les aider? Dans quel domaine je pourrais prier? Je me souviens, j'avais fait ça à Val-d'Or. Quand j'avais arrivé à Val-d'Or, j'avais été voir le maire de la ville. J'avais dit à l'église, on était à une réunion prière, j'avais dit à l'église, je ne serai pas à la réunion prière ce soir, j'ai un rendez-vous avec le maire, et je vais aller lui parler. J'aimais ça vous prier pour moi pendant que je vais être là. Et j'avais été le voir, puis j'avais été lui partager ma foi, j'avais été lui donner une Bible, et j'avais été lui dire qu'on était pour prier pour lui, pendant qu'on serait à Val-d'Or. Nous, on va prier parce que Dieu vous a confié un travail en tant que maire de la ville, puis on va prier pour vous en tant que maire, en tant que conseiller, afin que Dieu vous donne la grâce de bien diriger la ville de Mont-Tremblant. Et si vous faites ça, et que nous, on fait notre rôle en tant qu'Église, parce que nous, on a un autre rôle que vous, Dieu nous a confié un autre rôle, c'est le côté spirituel, il dit, on va avoir une belle ville. Une belle ville. Et c'était une chose, je ne dis pas que tout le monde doit faire ça, j'ai eu à cœur de faire à ce moment-là, je l'ai fait, c'est juste dire, puis à chaque fois que j'ai vu le maire par après, je me dis, il se souvenait de moi, j'étais un numéro pour lui, là, il se souvenait de moi pour en moquerie ou d'autres choses, mais quand il me voyait, il me disait, oups, ça c'est le pasteur Baptiste qui est venu me voir. On avait fait une dédicace, une belle Bible, là, qu'on avait dédicacée de la part de l'Église, on lui avait donné ça. Donc, c'était une belle approche, puis c'est très dur pour lui de me créer des bêtises. Là. On venait pour lui offrir des prières, puis il a réagi comme quasiment tous les dirigeants vont faire. Merci. On apprécie que... Puis j'avais dit au nom de l'Église, si on peut faire de quoi pour vous aider, vous nous direz, on peut faire on va faire ce qu'on peut. Je n'ai pas dit que l'Église de Val-d'Or n'a jamais péché contre les autorités après ça. Là. Mais je crois que c'est une attitude qu'on devait développer dans nos vies personnelles, envers, puis pas juste les gouvernements, toutes les autorités en place. Ça va de pair, dans ce sens-là. Et je crois qu'on aurait moins de misère à vivre en harmonie avec ces gens-là. Et c'est ça que Paul veut faire ressortir ici. Donc, il dit, dans l'Église, je veux qu'on prie pour les autorités qui sont en dehors de l'Église, afin qu'ils nous donnent la liberté de vivre librement notre foi et qu'on puisse proclamer l'Évangile afin que des gens puissent être sauvés. Donc, c'est un résumé là, dans ce sens-là. Donc, on devrait s'encourager les uns les autres à prier pour les autorités au lieu de les critiquer ou les chialer, parce que ça, on semble qu'on sait le faire tout seul, on n'a pas besoin d'être encouragé. Donc, prions ensemble que le Seigneur puisse nous aider dans ce domaine-là. On va terminer dans un mot de prière, si vous voulez bien. Notre Père du ciel, j'avoue bien notre faiblesse, ma faiblesse. C'est pas toujours évident. Et dans notre nature de pécheur, on a tendance plutôt à chialer, à critiquer, au lieu de tendre la main, au lieu d'offrir des services. Ils sont pas parfaits, on le sait, mais nous ne le sommes pas non plus. Ils jouent pas toujours leur rôle, mais on ne joue pas toujours le nôtre non plus. Seigneur, on te prie que tu puisses nous aider individuellement, en Église, à prier pour les autorités que tu as établies autour de nous. Non pas que, pas juste parce qu'on va avoir une vie plus facile, pour que ce soit juste pour nous, de façon personnelle, mais pour qu'on puisse vivre d'une façon agréable pour toi, et pour qu'on puisse proclamer l'Évangile, cet Évangile qui est le seul moyen d'être sauvé. Guide-nous, Seigneur. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y en a qui auraient des petites requêtes que vous aimeriez qu'on puisse prier avec vous, pour vous?